Alfred Vilmos à Théodore Dilling à Naples. Bonjour mon cher. Aujourd'hui, j'ai de quoi raconter. Je suis de nouveau jeune. J'ai joué mon va-tout, ohé. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je ne t'en veux pas. Cela se passait dimanche dernier. Voilà toujours un commencement. Donc, c'était dimanche à 3 heures de l'après-midi. Il faisait très chaud et le soleil brillait sur la ville. De tous les faubourgs, des groupes partaient tout joyeux de passer la barrière, pris d'un désir furieux de grand air et de verdure. À l'heure où le rideau se lève sur ma petite histoire, que dis-tu de mon style, les rues n'étaient plus très animées. Au milieu de la foule qui, à pied, gagnait la barrière, se trouvait... Non, je ne sais décidément pas. Je ne sais pas écrire de roman. Je vais te dire l'essentiel en deux mots. Voici. Il m'était venu une idée cocasse. J'avais imaginé de me déguiser. Je voulais une fois au moins n'être plus moi. Je m'ennuyais tant en ma compagnie. J'endossais donc un costume de velours. Avec cela, un col rabattu, une cravate flottante, un chapeau mou. Je laissais mes gants à la maison et me voilà parti. Tu ne peux t'imaginer combien je me trouvais moi-même déguisé. Je ressemblais à un peintre en bâtiment. Tu penses bien que toute cette mascarade n'était pas sans raison. J'avais un but bien déterminé. Je voulais avoir la certitude que si je faisais une conquête, je n'aurais à en remercier ni mon porte-monnaie, ni mon tailleur. J'avais changé aussi ma démarche. Je flânais avec un petit air naïf, insouciant, léger. J'étais, par Dieu, méconnaissable. Me vois-tu d'ici, avec un chapeau mou tout cabossé et une cravate flottante? À 3 heures, j'arrivais à la barrière. Là, je m'appuie pendant quelques instants contre un bec de gaz, j'allume une cigarette, et je regarde passer les braves bourgeois et les couples amoureux. Je vois passer aussi quelques jeunes filles par bandes de 2 et 3, gentilles et adorables comme tout. En voilà justement 2 qui font des signes vers une fenêtre. D'où une vieille grosse bonne femme regarde, toute joyeuse. Et à d'autres fenêtres, je vois des hommes en bras de chemise et des femmes débraillées. À l'endroit où je suis, le soleil frappe, des enfants jouent sur la chaussée. Tout à coup, voici quelque chose de triste qui me tombe de nouveau sur le cœur. Pourquoi? Je ne le sais même pas. Je sentais monter jusqu'à moi la nullité répugnante de tous ces bourgeois endimanchés. Ces 2 jeunes filles qui venaient de passer, je me les représentais chez elles en train de faire la cuisine ou de préparer la lessive, puis pour toute distraction absorbées dans la lecture du Weltblatt. Et leur père, l'entends-tu geindre sur les impôts? Et que sais-je? Penser que tous ces gens sentent la différence d'aujourd'hui dimanche avec les autres jours de la semaine qui ne sont pas des dimanches. Ah, c'est dégoûtant. Tout à coup, j'aperçois quelque chose de ravissant. Une jeune fille, pas tout à fait jeune, 22 ou 23 ans, mais superbe, toute seule. Une robe simple à petites fleurs, très élégante, un large chapeau de paille, des yeux magnifiques, pas très grandes, mais le corps svelte et souple. À la main, une ombrelle ouverte. En passant devant moi, elle me regarde de ses grands yeux et sourit. Elle se détourne, revient sur ses pas, puis repasse devant moi, cette fois sans me regarder. Elle fait 20 pas à peu près et revient. Ah, un rendez-vous. J'ai le temps. J'attendrai avec elle. Ce que je n'osais espérer arrive. La délicieuse créature attend en pure perte. Je la regarde de plus près. Elle est vraiment adorable. Ce n'est plus la première jeunesse, mais Dieu merci, ce n'est plus aussi la première innocence. Autour des yeux, de petites rides accusatrices et un pli autour de la bouche, ce pli qui ne vient qu'après beaucoup de baisers et de morsures. La taille flexible est habituée à fléchir, mais sur tout cela, quelque chose de naïf, qui persiste au milieu des manèges savants de son rôle de femme. Elle est exquise. Et lui qui ne vient toujours pas. Je la regarde se promener. Elle fait à peine attention à moi, ce qui n'est en somme que pure coquetterie. Enfin, au bout de 10 minutes environ, elle fait une moue moitié fâchée, moitié dédaigneuse et d'un pas rapide, s'en va, non pas du côté de la ville, mais vers la grande rue de Währing. Je la suis, et sans perdre une seconde, je tente l'aventure. Je lui adresse quelques mots insignifiants, elle se retourne et d'un ton bref, « Qu'est-ce que vous voulez, vous ?» Je ne me laisse pas intimider, et la conversation s'engage. Justement, son intention était d'aller à la campagne. Mais il s'agissait plutôt de respirer le bonheur que de se promener avec lui. Elle ne m'interdisait pas d'ailleurs de marcher à côté d'elle, si cela me faisait plaisir. C'est merveilleux comme nous en arrivâmes vite à causer familièrement. Il est vrai que je jouais mon rôle dans la perfection. Elle me demanda « Qui êtes-vous donc au juste ?» Je répondis « Devinez. »« Comment voulez-vous que je devine » dit-elle. « Un artiste. » « Et quelle espèce d'artiste croyez-vous que je sois ?» lui demandai-je. J'étais véritablement curieux de savoir ce qu'elle allait répondre. « Vous êtes un poète, » dit-elle tout à coup d'un air entendu. Je la regardais d'un air qui voulait dire « Tu n'es pas seulement une jolie fille, tu es encore une femme très intelligente. »« Eh bien, ai-je deviné ?» dit-elle en souriant. Les questions continuent. Elle me demande si je fais des vers depuis longtemps, si mes vers sont bien faits, si cela me fait plaisir d'écrire, et ainsi de suite. Ou alors je commence à mentir d'une façon amusante. C'est incroyable tout ce que je lui ai raconté. Il faut croire que mes histoires étaient non seulement intéressantes, mais encore vraisemblables, car elle buvait mes paroles presque avec dévotion. Tout d'abord les luttes de ma jeunesse, les souffrances au milieu desquelles je me suis débattu. Ma vieille mère, loin dans une petite ville, et puis les femmes, les grands chagrins, l'amour mort pour moi. C'était vraiment touchant, et je suis navré de n'avoir pas fait plus attention à tous les incidents de ma vie. Tout à coup, nous voilà dans la campagne, au milieu de la belle nature. Nous allons à travers bois, c'est le calme et la solitude. Nous nous asseyons sur un banc. Des gens passent devant nous. À travers les arbres, on aperçoit une prairie, puis, plus loin, encore des bois, et là-bas, couchés à l'ombre de leur parasol, les braves promeneurs du dimanche. De temps à autre, nous entendons de leur côté des cris et des rires. Puis de nouveau, tout redevient tranquille dans le silence de cet après-midi accablante. Elle se mit aussi à parler d'elle, toujours la vieille histoire, mais l'histoire allait bien à sa figure. Elle était brodeuse d'art, n'avait plus de parents. Elle habitait chez une tante jusqu'en ses derniers temps, mais cela, paraît-il, ne pouvait durer. Une histoire d'amour, à laquelle elle fit allusion, pas la première certainement, ne devait pas être étrangère à son départ de chez cette tante. Cet amour, d'ailleurs, paraît toucher aussi à sa fin. « L'aimez-vous beaucoup ?» Elle baisse les yeux. « Oh oui !»« Il est vrai que l'habitude y est pour beaucoup, » ajoute-t-elle, puis subitement. « Mais vous, vous avez sûrement aussi une bonne amie. » Je ne voulais pas nier tout à fait la bonne amie. Cela m'aurait certainement nui dans son esprit, mais mon amour aussi était en train de mourir tout doucement. Je ne voulus pas en dire davantage. Elle n'en demanda pas plus, d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, nous découvrîmes bientôt que ce ne pouvait être seulement le hasard qui avait amené notre rencontre. La similitude de notre situation, notre rencontre au moment précis où nous étions tous les deux fatigués d'un amour agonisant, si ce n'était pas là de la prédestination. Nous causâmes ainsi sur la verdure de la forêt et il faisait lourd, lourd. Enfin, après avoir tant bavardé, nous nous tûmes. Elle était assise tout près de moi, et c'était adorable, le parfum qui montait de ce doux corps de jeune fille. C'est si gentil, ces petites ouvrières, qui sont toujours si soignées. La petite s'est certainement fait donner en cadeau pour sa fête un flacon d'un très bon parfum. Mais de sa chevelure bouclée s'exhalait un parfum plus doux encore. Je l'attirai vers moi. « Vous avez envie de dormir ?» demandai-je. Elle fit signe que oui. Et appuyant sa tête contre ma poitrine, elle ferma les yeux. Mon devoir n'était-il pas de les embrasser, ses yeux charmants? Elle me laissa faire. J'embrassai ses yeux, sa bouche. Elle dit « Mais... » et m'embrassa à son tour. Des gens passèrent. Nous nous levâmes. Il était entendu maintenant qu'une force mystérieuse du destin nous avait réunis, et naturellement pour notre bonheur. En attendant, nous nous tutoyons déjà. Il est impossible de dire combien nous étions bien disposés l'un pour l'autre. Elle prétendait que son secret désir avait toujours été d'aimer un poète. « Et le tien ?» me demanda-t-elle. Je fus on ne peut plus galant et prétendis que mon seul désir à moi avait toujours été de la rencontrer, elle, cette douce petite pépite, qui tout à l'heure, en ce dimanche du mois de juin, passait la barrière de Haring avec son ombrelle et son chapeau de paille. Comme le temps passait. Déjà le jour commençait à baisser. « Eh bien, que fait-on ? On va dîner ensemble, naturellement. » Dans tous les cas, elle voulait être rentrée chez elle avant 10 heures. Nous voilà donc partis pour le restaurant qui se trouve à l'entrée du bois. C'était une de ces auberges de petits bourgeois que j'avais l'habitude d'éviter autrefois. Mais comme tout cela me paraît beau aujourd'hui. Dans le jardin, sous de grands arbres, des tables avec dessus des lampes et à des distances convenables de grandes lanternes. Il n'y avait pas énormément de monde. Autour de tables isolées, des familles entières, effroyablement fatiguées et altérées. Ailleurs, de tendres couples se tenant par la main et çà et là, des bandes de gens en partie de plaisir. En regardant de plus près, je vis qu'il y avait aussi un public un peu plus choisi, des gens en villégiature, autour de tables réservées. Nous nous assîmes à une petite table écartée, je commandai un dîner très simple, nous avions tous les deux un fameux appétit et nous étions énormément heureux. La nuit était venue complètement et nous étions dans une profonde obscurité. Je fus saisi d'une sorte de tendresse, d'une sorte de pitié, pourrais-je dire, car n'est-ce pas toujours ce qui se cache au fond de toute tendresse? Elle me décrivit sa vie chez elle. Représente-toi une petite chambre au troisième étage avec vue sur la cour, une petite chambre bien simple naturellement, mais où une seule chose n'a pas le droit de manquer jamais, les fleurs. Autrefois, paraît-il, c'était toujours lui qui les envoyait. Dans les derniers temps, il était devenu plus négligent. Alors c'est elle qui achetait de temps en temps des violettes ou du lilas, qu'elle mettait dans un petit vase à la fenêtre près d'elle. Enfin, nous partîmes. Elle se suspendait à mon bras. « Il est donc bien tard ?» demanda-t-elle. « Il était 9h30. » À la grille du jardin stationnaient des fiacres. Nous en prîmes un. Elle ne voulait à aucun prix aller plus loin que la barrière de Währing. Elle habite dans le voisinage. Elle ne voulait pas arriver en voiture dans sa petite rue à cause des voisins et du propriétaire. « Et puis aussi à cause d'Émile, » dis-je. Elle était plutôt étendue qu'assise dans la voiture, son chapeau de paille posé sur ses genoux, et sa tête, ses cheveux parfumés, appuyés contre mon épaule. « Émile, mais c'est fini avec lui, » dit-elle, « et même depuis des semaines. Il ne veut plus rien savoir de moi, et c'est tant mieux. Et si tu tiens à me revoir, ne me parle plus jamais d'Émile. Je ne te questionne pas moi, n'est-ce pas ?» Elle se tut et nous continuâmes à rouler. Je lui caressai les joues. En un quart d'heure, nous arrivâmes à la barrière, nous descendîmes. Je voulais l'accompagner jusqu'à sa porte. « À quoi penses-tu ? » s'écrie-t-elle. « Mais tous les enfants du quartier me connaissent. » Elle me donne un baiser, me quitte et se sauve en courant. J'étais d'une humeur charmante. Je rentrais chez moi en me promenant. Mais avant, je m'installe à la terrasse d'un café pour prendre une demi-tasse. Avec mon accoutrement, il m'était impossible de songer à aller chez Kremser ou à l'Impérial. Me voilà donc assis. J'éprouvais ce sentiment de bien-être qu'on ressent toujours au début d'un nouvel amour. Je me réjouissais d'avance des baisers du lendemain et de tout le reste, qui arriverait demain, me disais-je, ou à mettre les choses au pire, après-demain. Ce demain, c'est aujourd'hui même, et comme il n'est que temps de mettre mon masque, je termine enfin, très cher ami et poète, cette longue lettre, et je compte bien avoir bientôt de tes nouvelles. Alfred, jeune premier.